بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue aujourd'hui, inshallah ta'ala, la lecture et l'explication du livre très important, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, écrit par l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahmahullah ta'ala. On était arrivé au chapitre concernant l'intercession, Bab al-Shafa'a. L'auteur qui nous dit, ainsi que la parole d'Allah Azza wa Jal, « وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ » Et averti par celui-ci, donc averti par le Coran, ceux qui ont peur d'être ressuscités vers leur Seigneur, donc ils ont peur de leurs actions, ils ont peur, donc ils craignent leur Seigneur, ils n'ont donc en dehors de lui aucun allié et aucun intercesseur afin qu'ils atteignent la piété. Donc avertis-les afin qu'ils atteignent la piété. Et donc ici, l'auteur, dans ce chapitre, il veut ici répliquer à tous ceux qui prétendent qu'il y a certaines personnes qui possèdent l'intercession absolue, ici-bas ou dans l'au-delà. Et donc l'auteur ici, il va répliquer à cela, il va répliquer à cette ambiguïté. Comme on peut le constater dans le verset qu'il a cité, ils n'ont en dehors de lui aucun allié, ni aucun intercesseur. En dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc personne parmi les créatures n'a l'intercession absolue. Et vous constatez dans ce verset que Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit wa andhir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim. Averti par celui-ci, donc par le Coran, ceux qui craignent la résurrection vers leur Seigneur. Et donc, c'est cette parole, donc ici, Allah Tabaraka wa Ta'ala ordonne à son prophète d'avertir un groupe de personnes, pas tout le monde. Qui sont ces personnes? Ce sont ceux qui craignent la résurrection. Et donc, ce sont les croyants. Ce sont ceux qui ont la foi, ils ont peur de leur Seigneur. Et donc il y a une question ici, c'est est-ce que, et ça c'est une question qui vous concerne, vous notamment les frères qui habitent ici en Martinique, hein? Puisque souvent les Martiniquais, les musulmans, ils vont débattre avec leurs proches concernant les religions. Et donc souvent on leur dit, mais il y a un problème, on leur dit, mais nous ne venons pas de Bethléem. Nous sommes noirs. Nous sommes noirs. Nous ne venons pas de Bethléem. Nous leur disons, mais Jésus n'a pas été envoyé vers nous. Jésus a été envoyé vers le peuple des enfants d'Israël. Comme cela est cité dans la Bible. Et donc eux, ils vont vous voir, ils vont vous dire... Mais de la même façon, regardez ici, dans ce verset, il est stipulé que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit avertir ceux qui ont cru en lui. Donc c'était les compagnons, c'est tout, il avertit ses compagnons. Ses compagnons qui ont cru en lui, ça s'arrête là. Nous, on répond quoi à ça, nous? Il y a un autre verset qui annonce qu'il est venu pour toute l'humanité. Barakallah. Et donc, on leur dit non. Ici, en fait, ce qui est voulu dans ce verset, c'est que les croyants, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les avertir, cela va augmenter leur foi. Mais ça ne veut pas dire que le prophète doit avertir ne doit avertir que les croyants. Il va avertir tout le monde. Il va tous les avertir contre le châtiment douloureux. Mais les croyants, ça va augmenter leur foi. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Dis aux gens, aux hommes, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous tous. Ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous parle des prophètes aussi. Dans un autre verset, il nous parle des prophètes en nous citant les noms de certains. Et ensuite, il nous dit Rusulan mubashirin wa mundirin li an la yakuna lin-nas ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Et donc, je les ai envoyés en tant que messagers, annonciateurs d'une bonne nouvelle, avertisseurs contre châtiment douloureux, afin qu'il n'y ait aucune preuve pour quiconque, afin que personne ne puisse dire par la suite « Mais Allah ne nous a pas envoyé de messager, il ne nous a pas envoyé de livre, etc. » Afin qu'il ne puisse y avoir de preuve pour quiconque, et donc pour tout le monde. Et donc les prophètes et les messagers sont envoyés à tout le monde. Tous, ils ont eu leur prophète et leur messager. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tout le monde. Et donc ensuite, il est important, l'auteur nous dit, rahimahullah, il nous cite ainsi que la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Kullillahi shafa'atu jami'a » dit à Allah appartient l'intercession tout entière. À Allah seul appartient l'intercession tout entière. Le cheikh Ubayd al-Jabiri nous dit ici, rahimah, hafidahullah, وَعَادَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُمْ لَا يَكْتَفُونَ بِبَيَانِ السُّنَّةِ وَالْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ فَقَطْ بَلْ يُبَيِّنُونَهَا بِالْأَدِلَّةِ وَيُحَذِّرُونَ مِنْ ضِدِّهَا بِالْأَدِلَّةِ أُسْوَتُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَنْ مَضَى قَبْلَهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ. L'habitude des gens de la sunna est qu'ils ne se suffisent pas d'expliquer la croyance correcte seulement. Comme vous voyez ici, l'imam Mohammed ibn al-Wahhab, il ne se suffit pas de nous dire « Oui, donc il est important, quand on veut demander l'intercession, quand on recherche l'intercession, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala. On ne demande pas à une créature d'intercéder, on ne demande pas à un mort d'intercéder pour nous, etc. etc. etc. » Et donc, non, il n'a pas dit ça. Non seulement il va expliquer la croyance correcte, et donc il va expliquer la croyance correcte avec les preuves, mais il va aussi mettre en garde contre le contraire de cela avec les preuves. Et leur exemple en cela, donc l'exemple des gens de la sunna en cela, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous ceux qui sont passés avant lui, parmi les prophètes et les envoyés, et les messagers. La preuve de cela est le hadith qu'a cité l'imam Muslim rahimahullah, qu'on a déjà lu ici dans cette mosquée, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innahu lam yakun nabiyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. » Certes, il n'y a eu aucun prophète avant moi sans qu'il ne lui fût obligatoire de montrer à sa communauté les meilleures choses qu'il connaît les concernant et qu'il les avertisse, qu'il leur mette en garde contre les pires choses qu'ils connaissent pour eux. Et donc ici, il est important, le prédicateur, le savant, l'imam, il va enseigner aux gens la bonne croyance, mais aussi il va mettre en garde contre le contraire de ceci. Il va aussi avertir et montrer les preuves qui permettent aux gens de se méfier des autres croyances déviantes. Et certaines personnes, lorsqu'ils vont donc prendre des êtres humains, des créatures en dehors d'Allah, comme intercesseurs, ils demandent à des personnes d'intercéder en leur faveur, eh bien, ils vont nous dire, lorsqu'on va les conseiller, ils vont nous dire, mais je ne suis pas en train de faire un acte d'adoration, je ne suis pas en train de prier pour lui, là. Je ne suis pas en train de prier pour lui, comme ils disent les chrétiens pour les saints. Les chrétiens nous disent, on ne prie pas pour Saint Foulain, je ne prie pas pour lui, je demande l'intercession. Les musulmans, ils vont dire la même chose. Sauf que Allah, tabaraka wa ta'ala, il a appelé cet acte adoration, c'est de l'adoration. Il nous dit, tabaraka wa ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Et ceux qui ont pris en dehors de lui des alliés, des saints, ceux qui ont pris des saints en dehors de lui, donc en dehors d'Allah, ils disent, nous ne les adorons que pour qu'ils nous permettent de nous rapprocher d'Allah. Et donc c'est de l'adoration. C'est de l'adoration. Et on avait déjà vu à Fort-de-France que une question très importante, est-ce qu'il y a des intercesseurs entre nous et Allah? Est-ce qu'il y a des intermédiaires entre nous et Allah? Sur terre, est-ce qu'il y a des intercesseurs entre nous et Allah? Non. Non? Sauf si on demande une dua pour... Non. Si on demande à quelqu'un d'invoquer pour nous. Est-ce qu'il y a des intercesseurs entre nous et Allah? Non. Non? Oui. Oui. Alors, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il nous dit que les adeptes des trois religions, musulmanes, chrétiennes et juives, sont unanimes, sur le fait qu'il est obligatoire qu'il y ait des intermédiaires entre nous et Allah dans la transmission de la religion. Dans la transmission de la religion. Ça veut dire que, comment est-ce qu'on connaît le Coran? C'est parce que Allah tabaraka wa ta'ala a fait révélation à son prophète. Il y a donc un intermédiaire entre nous et Allah. Tabaraka wa ta'ala. D'accord? Et donc, dans la transmission de la religion, il y a des intermédiaires. Ce sont les prophètes et les messagers dans la transmission de la religion. Mais par contre, dans l'adoration, dans l'invocation, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah, tabaraka wa ta'ala, dans l'adoration. Et donc ça, c'est très important. On l'avait déjà vu à Fort-de-France, ce sujet. Ensuite, l'auteur, rahimahullah, il nous cite la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idni » Qui est celui, qui est-ce qui va intercéder auprès de lui sans son autorisation? Qui va intercéder auprès de lui sans son autorisation? Et donc ça, c'est une question. Encore une fois, on voit une question dans le Coran. Allah qui pose une question. On avait déjà dit, le fait qu'il y ait des questions ne veut pas dire que le questionnaire ignore la réponse. Et ça, c'est une preuve de plus. Parce que cette question-là, ce n'est pas une question pour avoir une réponse. C'est une question qui montre l'impossibilité. Qui va intercéder auprès de lui sans son autorisation? Ça veut dire personne ne peut intercéder auprès de lui sans son autorisation. D'accord? Ça veut dire personne ne peut le faire. Et donc ici, on comprend bien que un point essentiel dans l'intercession, c'est qu'on ne peut pas intercéder auprès d'Allah sans son autorisation. On ne peut pas intercéder auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sans son autorisation. Donc, ici, il faut comprendre, barakallahu fikoum les frères, c'est que les personnes qui sont tombées dans ce genre d'erreur, le fait de demander l'intercession des saints, etc., eh bien, en fait, ils font ressembler Allah, ils recherchent, ils essaient de faire ressembler Allah tabaraka wa ta'ala à ces créatures. Parce qu'ils ont vu que le gouverneur, en réalité, tu ne peux pas l'atteindre si tu ne passes pas par un intermédiaire. Parce que tu n'es pas assez bien vu, tu n'es pas assez haut placé. Alors, ils se disent, dans l'adoration, c'est pareil. En fait, je ne suis pas assez bien vu, je ne suis pas assez haut placé, je ne suis pas assez pieux. Et donc, on va passer par l'intercession des saints. Et donc, ils vont chercher à faire ressembler Allah tabaraka wa ta'ala à sa créature dans ce sens. Dans un autre sens aussi, c'est le fait que ce gouverneur, lorsque tu es passé, par exemple, on a donc un de nos frères qui monte une société de communication dans le téléphone pour poser des antennes à droite à gauche dans l'île. Il a sa société et on aurait bien aimé qu'il embauche Suleiman. Alors, on va demander à Bader. Bader, est-ce que tu peux aller parler à un tel, Barakallahu Fik, afin qu'il embauche un tel? Ça s'appelle une intercession. Dans la langue, ça s'appelle une intercession, linguistiquement parlant. Et donc Bader, il va y aller. Il y va, sans avoir donc eu l'autorisation du responsable de la société. Il va le voir, il demande, « Ya akhi, barakallahu fik, il y a un frère qui est bien, etc., etc., etc., etc. » Et donc il fait son intercession. Et ensuite, le responsable de la société qui accepte ou qui refuse. Et donc, les gens, ils font ressembler, ils cherchent à faire ressembler Allah tabaraka wa ta'ala à sa créature. Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y a aucune intercession qui est faite auprès de lui sans sa permission. Aucune. Aucune. Même pour le prophète, même pour les anges, toutes les créatures, aucune intercession n'est faite auprès de lui, tabaraka wa ta'ala, sans sa permission. Et ensuite, il nous dit, l'auteur, rahimahullah, il nous cite aussi la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Wa kam min malakin fis samawati la tourni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. » Comme sont nombreux, combien il y a d'anges dans les cieux dont leur intercession n'est nullement profitable, sauf celui dont Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné l'autorisation pour celui qu'il veut et dont il est satisfait de lui. Sauf à celui dont Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné l'autorisation pour celui qu'il veut dont il est satisfait de lui. Et donc on comprend qu'il y a deux conditions dans l'intercession. La première condition, c'est celle qu'on a citée précédemment. Le fait, donc, l'autorisation d'Allah azzawajal. L'autorisation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça se fera yawm al-qiyama, au jour de la résurrection. Où il sera dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, irfa ra'sak, relève la tête. Sel tu'ta, demande et il te sera donné. Et ensuite, fais intercession. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pourra faire intercession. Mais avant cette heure-là, il n'y a pas d'intercession. Et donc, la première condition, donc l'autorisation d'Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième condition, c'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit satisfait de la personne pour qui on fait l'intercession. Sinon, il n'y a pas d'intercession. Et la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle est spécifique aux gens du tawhid. Spécifique au monothéiste pur. Voilà pourquoi il est important d'étudier ce livre. Si tu veux bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'intercession des pieux, l'intercession des anges, l'intercession des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, il faut que tu sois monothéiste. Sinon, il n'y a pas d'intercession. Il n'y a pas d'intercession pour les polythéistes. D'ailleurs, Al-Bukhari, rahimahullah, il nous cite dans son sahih, selon Abi Hurayra, radiallahu anhu, qui dit, « Kultu ya Rasulallah, man as'adu nasi bi shafa'atika yawm al-qiyama ?» Abu Hurayra, il dit, « Ô messager d'Allah, qui sera le plus heureux des hommes au jour de la résurrection ? Qui sera le plus heureux des hommes par ton intercession au jour de la résurrection ?» Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam, لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. Il dit, Serge, je savais, ô Abu Huraira, que personne ne m'aurait demandé, ne m'aurait interrogé concernant ce sujet avant toi. لِمَ رَأَيْتُ مِنْ حِرْسِكَ عَلَى الْحَدِيثِ. Et cela à cause du fait que, à cause donc de l'attachement que j'ai remarqué donc chez toi concernant al-hadith, l'apprentissage, la science. Et ensuite il lui a répondu à sa question. أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ ou خَالِصًا مِنْ قَلْبِ نَفْسِهِ, excusez-moi, مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ. Et donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc celui qui sera le plus heureux par mon intercession est celui qui dit لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ de façon sincère, de façon la plus sincère au fond de lui-même. Et donc, il est important, barakallahu fikum, de comprendre l'importance du tawhid dans notre vie. Si nous voulons bénéficier de l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a aussi dans cela, il n'y a pas dans cette erreur gravissime, il n'y a pas que le fait de chercher à faire ressembler le créateur aux créatures, mais il y a aussi le fait de ressembler aux polythéistes. Celui qui va faire cela, qui va prendre des intermédiaires, des saints entre lui et Allah tabaraka wa ta'ala, il ressemble aux polythéistes. Il fait du polythéisme, car ceci est la pratique des polythéistes. Comme nous le voyons chez les chrétiens, la Toussaint, etc. Et donc il est important, barakallahu fikoum, que nous fassions des efforts pour faire partie des monothéistes jusqu'à la fin de notre vie. Et donc nous ne devons invoquer personne en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais par contre, nous pouvons demander à Allah, Allahumma shaffi' fiyya rasoul, ô Allah, fais que le prophète intercède en ma faveur. Ça tu peux le faire, tu peux invoquer. Fais que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection, intercède en ma faveur. Mais tu ne peux pas demander au prophète d'intercéder en ta faveur. C'est là que la personne qui fait cela tombe dans le polythéisme. Et d'ailleurs, il y a un élément pour bénéficier de l'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam muslim a cité dans son sahih, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, huma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنِ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ. Lorsque vous entendez le mu'addin, alors dites comme il dit. Donc répétez ce que dit le mu'addin. ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ. Puis, faites la salat sur moi. Ou alors puis, donc, invoquez pour moi. Ça veut dire quoi ça? Invoquer pour moi, c'est quoi ça? Es-salat ala nabi. Es-salat ala nabi. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, puis, donc, invoquer pour moi, faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Es-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que concernant ce sujet, attention, barakallahu fikoum, il est important de savoir que les ulama ils disent que tu ne le fais pas à voix haute. C'est une invocation, la base, c'est que tu le fais donc en toi-même, l'invocation. Sauf si il y a une nécessité, si la législation montre que ça, tu le fais à voix haute. Mais sinon, c'est à voix basse. De la même façon que pour les autres invocations, tu le fais à voix basse. Et donc là, tu ne vas pas dire, après la salat, tu ne vas pas dire fort, « Allahumma salli ala Muhammad ». D'accord? Donc ça c'est donc une invocation à voix basse. Car certes, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car certes celui qui fait la salat ala nabi, donc qui invoque en ma faveur, alors Allah tabaraka wa ta'ala par celle-ci va faire ses éloges, donc 10 fois. Thumma sallallahu alayhi al-wasila. Puis, demandez à Allah pour moi al-wasila. فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو Car certes, celle-ci, elle voici là, c'est un degré du paradis qui n'appartient qu'à un serviteur parmi les serviteurs d'Allah. Et j'espère être celui-ci. Femen sa'alallah lilwasila halat lahu shafa'a. Alors celui qui demande à Allah pour moi la wasila, mon intercession lui est autorisée. Mon intercession lui est autorisée. Et donc tu veux bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bientôt à la mosquée. Bientôt à la mosquée pour être présent au moment du Eden, pour répéter ce que dit le Mu'addin, prendre les récompenses, et aussi pour invoquer après cela, et donc pouvoir bénéficier de cette intercession. Incha'Allah ta'ala. Et ensuite il continue l'auteur, rahimahullah. Et il nous dit, Masha'Allah, le cours d'aujourd'hui, je pense qu'il sera long. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون الا لمن ولا يشفعون الا لمن يرتضى. Et donc Abu al-Abbas qui dit, certes Allah tabaraka wa ta'ala a rejeté tout ce à quoi les polythéistes s'accrochent en dehors de lui, et il a rejeté le fait qu'il y ait quelconque royaume ou part de royaume pour autre que lui. Et il a rejeté qu'il n'y ait quelconque assistance pour Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il n'y a pas d'aide pour Allah, pas d'assistance. Et il ne reste que l'intercession. Alors il a montré tabaraka wa ta'ala que cette intercession n'est profitable que pour celui à qui Allah tabaraka wa ta'ala l'a autorisé. Comme il l'a dit, tabaraka wa ta'ala, wa la yashfa'una illa liman yartada. Et ils ne vont intercéder que pour celui dont il est satisfait. Tu veux l'intercession, il faut que tu fasses en sorte qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit satisfait de toi. Donc que tu fasses partie des monothéistes. Ensuite, il continue l'auteur, rahimahullah. Fahadihi shafa'a. Allati yadhunnuha al-mushrikuna hiya muntafiyatun yawm al-qiyama. Et donc, celle-ci, cette intercession, c'est celle donc que vont penser les polythéistes vont croire en cette intercession-là. Et donc, elle est rejetée au jour de la résurrection. كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدا بالشفاعه اولا. Et donc cette intercession, elle est rejetée, elle est donc niée, comme cela a été rejeté dans le Coran. Et certes le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a informé de cela, il a informé de cela et du fait donc qu'il viendra au jour de la résurrection, il se prosternera pour son Seigneur, il va le louer, mais il ne va pas commencer par l'intercession. ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. Et ensuite il lui sera dit, relève la tête, puis dis tu as écouté, demande il te sera donné, fais intercession il te sera accordé. Et certes وقال له أبو هريرة, et Abu Huraira il lui a dit, من أسعد الناس بشفاعتك, qui est le plus heureux par ton intercession. قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه, celui qui a dit la ilaha illallah, donc par sincérité au plus profond de lui-même. Fait-il qu'à shafa'atu li ahli al-ikhlas bi'idhnillah. Et donc cette intercession, elle est pour les gens de la religion exclusive, par l'autorisation, par la permission d'Allah. Wa la takunu liman ashraka billah. Et cette intercession n'est pas pour ceux qui ont accordé quelconque associé à Allah. Wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas. فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَشْفَعَ. Et la concrétisation de cela, la réalité de cela, est que Allah subhanahu wa ta'ala C'est celui qui accorde par sa grâce aux gens du monothéisme. Et c'est celui qui va donc les pardonner par l'intermédiaire de l'invocation de celui à qui il a permis d'invoquer et d'intercéder. Liyukrimahu wa yanel al-maqam al-mahmoud. Afin donc de lui accorder de sa grâce, de ses faveurs, et lui accorder al-maqam al-mahmoud. Al-maqam al-mahmoud. Et donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour les gens. Fashafa'atu allati nafaha al-Qur'an. Mais kana fiha shirkun. Et donc, l'intercession que le Coran a rejeté, c'est l'intercession qui contient du polythéisme. Et c'est pour cela que dans d'autres passages, le Coran a affirmé l'intercession. Donc dans certains passages, on voit que le Coran rejette l'intercession. Et dans d'autres passages, le Coran affirme l'intercession. Ce qui est voulu ici, l'intercession qui est rejetée, c'est l'intercession qui contient du polythéisme. L'intercession qui est affirmée, c'est l'intercession donc qui ne contient pas de polythéisme et qui respecte les conditions. وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَنَّهَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ وَالتَّوْحِيدِ. Et certes, le prophète صلى الله عليه وسلم a montré que cette intercession n'est que pour les gens donc de la religion exclusive et du monothéisme. Fin de citation. انتهى كلامه. Et donc voilà. Donc pour ce chapitre, bismillah, le chapitre d'après, babu qawlillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabt. Le chapitre concernant la parole d'Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbabt, certes tu ne guides pas celui que tu aimes. Mais donc la suite de ce verset c'est walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Cependant Allah guide qui il veut et il est le plus connaisseur de ceux qui sont les bien guidés. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il s'adresse à son prophète et lui montre qu'il ne détient la guidée de personne, il ne détient pas la guidée de ceux qu'il aime. Et que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui guide qui il veut. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui guide qui il veut. Et donc ça nous montre aussi donc le lien entre ce sujet et le livre. C'est-à-dire que le prophète, vu qu'il n'a pas la capacité de guider qui que ce soit, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité d'accorder la réussite à qui que ce soit, de les faire rentrer en islam. Et donc, vu qu'il n'a pas cette capacité, il ne mérite pas l'adoration, ne mérite pas qu'on exagère le concernant. Et donc, vu qu'il ne mérite pas qu'on exagère le concernant, pourquoi est-ce que nous allons adorer, pourquoi est-ce que nous allons exagérer concernant d'autres personnes qui en rend moins élevé que lui? Et donc voilà ce que nous montre l'auteur ici dans ce chapitre. On a déjà vu donc une question importante. Allah tabaraka wa ta'ala dans une autre sourate, il dit à son prophète, il dit innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Certes, tu guides vers une voie dans toute sa rectitude, vers une voie droite. Et donc dans un passage, il nous dit tu ne peux pas guider. Et dans un autre, il lui dit tu guides. Comment on comprend ça? Les chrétiens qui viennent nous voir là, ils nous disent « Ah, vous avez des erreurs, vous avez une contradiction ici dans le Coran. » On répond comment? C'est pas le verset. Tu guides. Certes, tu guides vers une voie droite, et dans un autre, tu ne guides pas celui que tu aimes. Il oriente, il mène. Voilà, c'est-à-dire ce qui est voulu par là, le prophète, il ne guide pas celui qu'il aime, mais Allah guide qui il veut. C'est-à-dire le prophète, il n'accorde pas la réussite aux gens. Ce n'est pas lui qui va guider le cœur des gens. Ce n'est pas lui qui va faire que la personne accepte la vérité. D'accord? Et quand il dit « tu guides vers une voie de rectitude », ça veut dire « tu montres la vérité aux gens ». Et donc le prophète, il est capable de montrer aux gens la vérité. Mais il n'est pas capable de faire que les gens acceptent la vérité. D'accord? Et ça, c'est pareil pour nous tous. D'accord? Nous pouvons montrer aux gens la vérité. Nous pouvons montrer aux gens la vérité si nous suivons la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, nous n'avons pas la capacité de faire en sorte que les gens ils acceptent la vérité. Et certes, Allah il est plus connaisseur des bien guidés, c'est-à-dire Allah connaît mieux ceux qui méritent la guider. Ensuite, l'auteur qui nous cite donc un hadith wa fi sahih an ibn al-musayyab an abi قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. Et donc dans Sahih, c'est-à-dire Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, selon Ibn al-Musayyab, selon son père, qui dit lorsque la mort est venue à Abu Talib, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est allé le voir, c'est-à-dire lorsque sa mort s'est rapprochée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé le voir. Le moment de sa mort s'est rapproché, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé le voir. Il y avait chez lui Abdullah ibn Abi Umayya ainsi que Abu Jahl. Faqala lahu ya am kulla ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha 'inda Allah. Oh mon oncle, dis la ilaha illa Allah. C'est une parole par laquelle je pourrais te défendre auprès d'Allah. Faqala lahu targhabu 'an millati 'Abd al-Muttalib. Alors les deux hommes qui étaient présents, donc c'est-à-dire Abdullah ibn Abi Umayya ainsi que Abu Jahl, donc ils lui ont dit, est-ce que tu vas délaisser la religion de Abd al-Muttalib? Fa'a'ada alayhi. Enfin, excusez-moi. Fa'a'ada alayhi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répété sa question. Il a répété sa demande. Oh mon oncle, dis la ilaha illallah. Alors, les deux autres, ils ont répété, est-ce que tu vas délaisser la religion d'Abd al-Muttalib? Et fa'kana akhira maqal. Donc, la dernière parole de Abu Talib, c'était huwa ala millati Abd al-Muttalib, et donc il reste sur la religion de Abd al-Muttalib, et il a refusé de dire la ilaha illallah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit li astaghfiranna lak, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit j'implorerai le pardon pour toi, mais lam unha ank, j'implorerai le pardon pour toi tant que cela ne m'est pas interdit. Alors Allah tabaraka wa ta'ala il a fait descendre sa parole, mais kana lin-nabi wal ladina amanu un yastaghfiru lil mushrikin. Il n'appartient pas au prophète ni aux croyants d'implorer le pardon pour les polythéistes. Et concernant Abu Talib, Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide celui qu'il veut. Et donc il nous montre ici dans ce hadith le fait qu'il est permis de visiter le polythéiste. Il est permis de visiter le polythéiste lorsqu'il est malade pour lui faire da'wah, pour l'appeler à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. On voit ici l'attachement qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait de chercher à guider son oncle Abu Talib vers l'islam. D'accord ? Il est même allé le voir au moment lorsque, donc le moment de sa mort s'est rapproché. Et donc c'est important que nous, barakallahu fikoum, on a nos proches chez nous. Parfois, certains vont aller voir leurs proches, leur père ou leur grand-père ou je ne sais pas qui est en train de mourir dans la famille, et il est encore en train d'hésiter. Est-ce que je lui dis, ah, ça va le fâcher? Est-ce que je lui parle, mais ça va le fâcher, et les autres vont se fâcher? Mais non, c'est pas le moment. Là, il faut tout dire. Là, c'est le dernier moment, tu vas regretter après. Là, c'est le moment, dis-lui, mon père, mon oncle, ma tante, qui vous voulez. Dis-la, illallah, rentre en islam. Là, tu es en train de mourir, rentre en islam, n'aie pas peur des gens, rentre en islam. C'est la seule religion qui te permettra d'aller au paradis. Dis la ilaha illallah, adore celui qui t'a créé seul, délaisse toute adoration en dehors de lui. Les frères, c'est le moment où il faut tout donner. Il faut arrêter cette fausse peur qui ne sert à rien. Et donc, il y a aussi dans ce hadith le fait de se méfier des mauvaises fréquentations. Parce que ce qui a fait qu'Abu Talib, il a refusé de dire la ilaha illallah, il a refusé de suivre le prophète, ce sont ces deux qui étaient là à côté de lui. Les deux qui étaient là en train de lui dire, est-ce que tu vas délaisser la religion de Abd al-Muttalib? Au moment de sa mort, ils étaient encore en train donc de le pousser vers le feu. Il faut qu'on fasse attention aux fréquentations. Et aussi, il ne faut pas avoir peur de ce que les gens vont dire de nous. Tu ne dois pas avoir peur des gens. Tu dois avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils vont dire que j'ai parlé à mon père de ça alors qu'il est sur son lit de mort. Ils vont dire... Non, il ne faut pas avoir peur des gens. Si tu vois que l'islam c'est la vérité, convertis-toi. Tu ne dois avoir peur de quiconque. Abu Talib, qu'est-ce qui l'a empêché de se convertir aussi? En plus de sa mauvaise fréquentation, il y a le fait d'avoir eu peur des paroles des gens. Abu Talib, il aidait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le protégeait. Et il a été rapporté qu'Abu Talib, il croyait, il savait que la religion du prophète c'était la vérité. Il y a certains vers de poésie qui ont été rapportés et qui ont été attribués à Abu Talib, qui l'aurait dit « Wa aradta dinan qad alimtu bi annahu » من خير أديان البرية دينا ولولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. Et certes, tu nous as proposé une religion dont je sais que c'est la meilleure, c'est une des meilleures, من خير أديان البرية, une des meilleures religions du monde. Et si ce n'était pas à cause du blâme des gens et, du fait que je crains les insultes, si ce n'était pas à cause de cela, tu m'aurais trouvé acceptant cela pleinement. Et donc ce qui a fait qu'il n'a pas accepté Abu Talib, c'est la mauvaise fréquentation et la crainte des gens. Qu'Allah Azzawajal nous préserve de ces deux fléaux. Il y a aussi dans ce récit le fait donc de nous méfier du suivi aveugle. Walaykoum salam wa barakatuh. Le fait de nous méfier du suivi aveugle. Hein? La même chose, walaykoum salam wa barakatuh, la même ambiguïté qu'on a ici. Donc les gens qui veulent suivre les ancêtres, ou du moins ils veulent suivre les parents, la famille, on ne veut pas délaisser la religion de la famille, la religion des ancêtres. Allah tabaraka wa ta'ala cite la parole des polythéistes qui disent Inna wajaduna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Certes, nous avons trouvé nos parents, donc nos ancêtres, sur une religion et nous les suivons à la trace. Et donc, même si nos parents sont égarés, nous devons les suivre? Non. Nous devons suivre la vérité. Et donc, voilà concernant ce chapitre. Et ce soir, j'avais annoncé que ça allait être un petit peu long. Donc, on va prendre le troisième chapitre. Le troisième chapitre qu'on voit ce soir. Babu ma ja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi as-salihin. Le chapitre concernant ce qui a été rapporté montrant que la cause de la mécréance des enfants de Adam Et le fait qu'ils ont délaissé leur religion, c'est l'exagération concernant les pieux. Le fait d'exagérer concernant les pieux, c'est ce qui a fait que les enfants de Adam, les descendants de Adam, ont délaissé leur religion. Et donc le temps, il nous cite cela, et ensuite il nous cite la parole d'Allah. Tabaraka wa ta'ala ya ahl al-kitab ila tarlu fi dinikum. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Et donc ce verset, on va le lire entièrement, inshallah ta'ala. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ya ahl al-kitab la tardu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites concernant Allah que la vérité. Innama al-masih Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Certes, le Messie Donc, certes, le Messie Isa, fils de Mariam, n'est que le messager d'Allah. Ainsi que donc, sa parole qu'il a insufflée à Mariam. Et aussi un esprit, un secours venant de lui. Fait aminu billahi wa rusuli. Alors croyez en Allah et en ses messagers. Wala taqulu thalatha. Et ne dites pas trois. Donc la Trinité ici. Intahu khayran lakum. Arrêtez cela, c'est mieux pour vous. Innama Allahu ilahu wahidun subhana. Certes, Allah est une divinité unique. Il est pur et au-dessus de ce que les gens prétendent. أن يكون نعم سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض. Et donc il est au-dessus de du fait qu'il y ait donc du fait qu'il ait un enfant. À lui appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Wa kafa billahi wakila. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala nous suffit comme garant. Et donc on comprend dans ce verset barakallahu fikum qu'il est interdit de mentir sur Allah tabaraka wa ta'ala. Et il est important de comprendre jazakumullahu khairan. Certaines personnes peuvent vous dire oui, mais Abdel Karim ici Allah ta'ala il blâme les gens du livre. Il blâme les gens du livre parmi les juifs et les chrétiens, ici spécifiquement les chrétiens. Pourquoi est-ce qu'on nous cite ça à nous les musulmans? Alaykoum salam wa rahmatoullah. On nous cite ça à nous les musulmans parce que à partir du moment où les musulmans accomplissent un acte qui a été blâmé à une communauté précédente, cela les concerne eux aussi. Et donc, nous devons tout faire pour ne pas ressembler, pour ne pas tomber dans les erreurs des peuples précédents. Et donc, on comprend dans ce verset que l'adoration elle est spécifique à Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fait d'attribuer un enfant à Allah tabaraka wa ta'ala est une mécréance, est un acte de mécréance. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa fi sahih. Et dans le sahih, c'est-à-dire al-Bukhari. Ali ibn Abbas radiallahu anhuma, fi qawli Allah ta'ala, wa qalu la tadharunna alihatakum, wa la tadharunna waddan, wa la suwa'an, wa la yaghoutha, wa ya'uqa, wa nasra. Et donc, ibn Abbas radiallahu anhuma, concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il dit, ne délaissez pas vos divinités, ne délaissez pas waddan, non plus suwa'an, ni yaghoutha, ni ya'uqa, et ni nasra. Ne les délaissez pas. Ibn Abbas il nous dit هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح. Ce sont les noms de gens qui étaient pieux dans le peuple de Nuh, c'est-à-dire c'est le peuple de Nuh qui ont adoré ces gens-là. D'accord? فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا. Et donc lorsque ces gens-là sont morts, lorsque ces gens-là sont morts, le shaitan, il a donc insufflé aux gens de fabriquer des statues dans les endroits où ces personnes-là étaient, donc se situaient. De fabriquer des statues là où ces gens-là se situaient, se trouvaient. وَسَمُّوهَ بِأَسْمَئِهِمْ. Et appelez-les avec leur nom. Donc donnez aux statues le nom des personnes qui sont mortes. فَفَعَلُوا وَلَمْ تُعْبَدْ. Et donc les gens ils ont fait ça, ils ont fait les statues, ils ont donné aux statues le nom des personnes qui sont mortes, mais les statues n'ont pas été adorées, elles n'étaient pas adorées. حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَنُسِيَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ. Jusqu'à ce que les personnes qui ont fabriqué ces statues soient mortes et que la science ait disparu, alors là, les gens ont adoré ces statues. Les gens ont adoré ces statues. Et donc, on comprend ici, barakallahu fikoum, le fait qu'on doit craindre la fitna des images, les statues. C'est important, barakallahu fikoum, de délaisser cela. Car cela a causé énormément de troubles et d'égarements dans les communautés, d'exagérations. Nous devons aussi craindre les innovations, car ces gens-là, c'est l'innovation qui les a fait tomber dans le polythéisme avec le temps. Ils ont commencé à innover la statue avec le nom d'un pieu, etc., etc., jusqu'à ce qu'ils tombent par la suite dans le polythéisme. Ibn al-Qayyim rahimahullah, donc l'auteur qui nous dit, l'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab, il nous dit rahimahullah, excusez-moi, on fait un petit peu long, on ne va pas durer trop non plus, inshallah, on a bientôt fini. Patientez un peu, jazakumullahu khairan. Il nous dit l'auteur rahimahullah, قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. Ibn al-Qayyim a dit, plusieurs parmi les pieux prédécesseurs ont dit, lorsque ces gens-là sont morts, ils se rassemblaient, donc alors les autres se rassemblaient autour de leur tombe. Puis ils ont fait des images qui leur ressemblaient. Puis une période, le temps a duré. Et ensuite, ils les ont adorés. Et ensuite, ils les ont adorés. On voit ici, barakallahu fikoum, que l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il ne vient pas avec une religion qu'il a tirée de sa poche. Il ne vient pas avec une nouvelle religion comme les gens prétendent. Ici, il nous cite des versets, des hadiths, et il nous dit Qala ibn al-Qayyim. Il nous cite les savants qui sont venus avant lui, ce qu'ils disent. Qala ibn Abbas, etc., etc. Et donc, il suit les savants qui sont venus avant lui. Il ne vient pas innover une nouvelle voie, un nouveau manhaj. Ibn al-Qayyim, lui-même, dans sa parole, il nous montre l'importance de revenir à qui ? Aux pieux prédécesseurs, les salafs. Ibn al-Qayyim qui nous dit, donc, plusieurs parmi les pieux prédécesseurs ont dit, si tu ne prends pas ta religion des pieux prédécesseurs, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de qui tu prends ta religion ? De qui ? Et donc, il est important, barakallahu fikoum, de bien comprendre ce sujet important. Ensuite, an Umar radiallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطل تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجه. Selon Omar رضي الله عنه, que le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, n'exagérez pas me concernant comme les chrétiens ont exagéré concernant Isa le fils de Maryam. Certes, je suis un serviteur. Alors dites serviteur d'Allah et son messager, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Sauf qu'ici, le hadith, il a été rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah. Et donc, barakallahu fikoum, les frères, on comprend dans ce chapitre qu'il est interdit d'exagérer. Il est interdit d'exagérer concernant les pieux. Parfois, on voit les imams, on voit les pieux, etc. Nous ne devons pas exagérer concernant les créatures d'Allah. Chacun a sa place. Certains ont même exagéré concernant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et or, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, il nous dit, je suis un serviteur. Alors, dites serviteur d'Allah et son messager. On ne doit pas exagérer même concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exemple. On a Al-Busayri qui dit dans Al-Burda, donc un poème, il nous dit fa inna min judika ad-dunya wa darrataha wa min ulumika ilm al-lawh wal-qalam. Et certes, il fait partie de ta générosité, ad-dunya, ainsi que sa semblable. La vie d'ici-bas, d'au-delà. Être dounia ainsi que sa semblable fait partie de ta générosité. À qui ? Au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La dounia et l'akhira fait partie de la générosité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui les a créés. Et ensuite, il continue son exagération. Wa min ulumika ilm al-lawhi wal-qalami. Et la science, la connaissance des tablettes, al-lawh, les tablettes protégées, les tablettes préservées. La connaissance des tablettes préservées et de la plume font partie de ta science. Allah Tabaraka wa Ta'ala a ordonné à la plume d'écrire le destin de toutes choses. Et donc, ici, cette personne prétend que le prophète connaît toutes choses, tout ce qui est fil lawh al-mahfouz. Toutes choses. Il a qiyam as-sa'a. Et ça, c'est grave. Ici, cette personne exagère concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle le fait monter au degré de la divinité. Car celui qui connaît cela, qui connaît toutes choses, c'est lui le seul qui mérite à être adoré. Celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui a créé cette dunya, c'est lui qui mérite d'être adoré. Et donc, cette personne a exagéré. Voilà pourquoi les savants, ils ont mis en garde contre ce poème. Mais il y a des personnes qui sont venues par la suite et qui ont fait des éloges sur ce poème. On a par exemple, en 1363 de l'Égypte, ou du moins, excusez-moi, avant cela, mais cette personne est morte en 1363 de l'Égypte. Cette personne, elle est morte il y a 80 ans, c'est bien ça, hein, si j'ai fait bien mes calculs. Ici, cette personne qui est morte en 1363, qui est Mohamed Ilyes,